And now, ladies and gentlemen, c'est un peu la Maggie de France Inter qui arrive. C'est Rose. Ah non, non, vous êtes Maggie. Ah non, je suis avec Rose. Oui, mais vous avez Rose à côté de vous. Mais... Yes, oui, starring Marc Villalonga in this program. Vous ne pensez pas si bien dire. Écoutez, c'est justement le gros débat et la grosse histoire depuis ce matin. Oui, parce que Marc Villalonga, elle nous accompagne depuis qu'on est nés. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et voilà. Alors écoutez ce que ça donne. Il y a Hollande qui arrive sur Snapchat. Ouais, ouais. C'est un bon sujet, ouais. Et il y a aussi la campagne d'Estrosi en PACA. Ah oui, t'as vu, il est soutenu par Jean-Pierre Foucault. Il est malin, il fait appel à un ami. Alex, tu préfères moins de bruit, s'il te plaît. Ah ouais, en plus, il chante mal. Non, mais qu'est-ce qu'il chante? Ah, mais si, je reconnais, c'est. Maggie. Mais ça va pas, les gars, ou quoi? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais je suis super content, on reçoit Marc Villalonga. Mais oui, mais moi aussi, j'étais fan de Maggie, moi. Bon, toi aussi, Guillaume. Mais oui, mais moi aussi. Ouais, moi aussi. C'est fou, ça. Non, mais attends, Maggie. C'est une super série. C'est autre chose que Games of Thrones, que House of Cards. S'il n'y avait pas eu Maggie, ces séries-là, elles n'existaient pas. Elle t'exagère. Mais non, 24 heures chrono, c'est Maggie. On est un peu plus rapide, mais c'est Maggie. Mais enfin, il y a autant de rebondissements dans un épisode de 24 heures que dans toute une saison de Maggie. Non, ça n'est pas vrai. C'est pas vrai. La saison 3, il se passe des trucs avec Georges. Oui, la 6, Pierre, le médecin. Le médecin, quand il fait tomber le sucrier. Oh là là là là là. Je vais faire la saison 8. Mais oui, il y avait même une histoire de crime. Exactement, on aurait dit des experts, le Vésinet. Oui, oui. Non, mais vous connaissez tout, ma parole. Et Rose, vous vous souvenez, c'est le personnage. La charnière, Marthe Villalonga. Vous faites peur. J'aurais aimé que ça soit ma mamie. Bon, écoutez, moi je vous laisse parce que je vois qu'on a les sujets. Attends, hein, attends. Vous fatiguez, je suis un petit peu nerveuse là, je vous laisse. Bah, elle voit souvent rouge. Hein. Ouais, avec elle, ça bouge. Hein. Oh, Charlene, soleil ou bien Charlene, l'homme. On est sous le charme. Charlene, Charlene, voilà Charlene. Bonjour la France Inter, bonjour le Vésinet, vous écoutez l'émission qui lance des fléchettes sur l'actualité et voici les trois informations qui vont tomber pile à côté jusqu'à 18h. François Hollande sera bientôt le premier homme politique à poser un acte fort, oui, à ouvrir un compte Snapchat, le réseau social des ados. Alors pardon, mais question réseaux sociaux, il arrive bien après Cécile Duflot et ça lui file un coup de vieux à Hollande. Oh, possible, bolos. Hashtag vive la retraite, hashtag t'as pas vu mon dentier. Christian Estrosi engrange un soutien de poids, celui de Jean-Pierre Foucault. À qui profite cet engagement et qu'est-ce que ça lui rapporte à Jean-Pierre? C'est la question. Une bonne réponse vous assurerait 300 000 francs de gains minimum. Viré d'un tournage du jour au lendemain parce que tout compte fait, elle est jugée trop vieille, c'est ce que dénonce l'actrice Mickey Sébastien, habituée des séries de France 2, qui dénonce donc la goujaterie du milieu. Il n'y a rien de plus fragile qu'une actrice qui vient de passer la barre des 40 ans. 40 ans pour une actrice, c'est comme 60 ans pour les autres femmes. Je sais pas, 80 ans pour un homme. Et moi, je suis accompagnée de celui que ça ne dérange pas. C'est Alex Vizorek. Mais oui, moi j'aime bien les cougars. Il n'y a pas de problème, je suis donc ravi. Et aujourd'hui, je vous présente l'équipe parce que, invité exceptionnel, équipe exceptionnelle. À 17h20, l'homme qui est au sport, ce que Jean-François Copé est à la politique. Il en parle beaucoup, mais il n'en fait presque pas. C'est sympa. C'est Samir Bouadi, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de Madrid, de Real, de Paris et d'Angel Di Maria. Bonjour. Et voilà un peu de tout ça. À 17h30, celui qui s'attaque aujourd'hui à son seul concurrent valable en France en termes de rhétorique, de gouaille et de mauvaise foi, Guillaume Meurice s'est rendu sur les traces de Bernard Tapie. Effectivement, Alex, bonjour, bonjour Charline. Et je suis allé à Marseille directement pour parler avec les habitants de Bernard Tapie. C'est une personne qui a des valeurs, qui a des principes. Et oui, on parle beaucoup de l'abbé Pierre, mais pas assez des valeurs et des principes de Bernard Tapie. Et à 17h40, on est ravis de l'entendre car c'est fort, c'est chaud, ça apaise et surtout, ça permet de profiter mieux de la suite de l'émission. C'est un peu notre digestif à nous. C'est Juliette Arnaud. Bonjour. Eh bien, moi, je vais vous parler d'Ava, d'Ingrid, de Rita, d'Audrey, de Grace et de Marilyn. Ah, ça sent l'actrice. Bien joué. Alors, si tu écoutes, j'annule tout, n'est pas sur Snapchat, donc vous ne pouvez pas nous rejoindre le réseau social. Allez, il est temps de retrouver le référent de la République qui a accepté de présider cette émission. Bonjour la présidente. Vous jouez dans Un éléphant, ça trompe énormément, d'Yves Robert en 76. Le tube cette année-là, c'est Gentil dauphin triste de Gérard Lenormand, comme quoi tout n'était pas mieux avant. Vous êtes Rose dans la série Maggie à partir de 85, quand Renaud chante Miss Maggie, mais cette Maggie-là, c'est celle qui est plus con que son frère, c'est Madame Thatcher. Et vous êtes nommée au César pour votre second rôle dans Ma saison préférée d'André Téchiné, c'est en 93, quand Bernard Tapie relie Paris-Béthune plus vite que s'il avait pris un jet, même sans cocaïne. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire de votre voix reconnaissable entre toutes, vous êtes... Marthe Villalonga. Évidemment. J'y crois pas. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Marthe Villalonga, je n'arrive pas à croire que vous êtes parmi nous. Qu'est-ce qui pourrait me le prouver? C'est vraiment vous? Ben je suis là, hein, je suis pas un fantôme. Enfin. C'est bien tout de suite. En chair et en os. Marthe Villalonga, on peut vous voir dans La dernière leçon qui sera en salle demain. C'est votre nouveau film de Pascal Pouzadou avec notamment Sandrine Bonner. Vous jouez Madeleine, 92 ans, ce qui vous vieillit considérablement, qui souhaite choisir la date et les conditions de sa mort. C'est inspiré du livre de Noël Châtelet. Mmh. Qui est la sœur de Lionel Jospin. Et dans mais le qui film. Qui a d'autres qualités. Et qui a, oui, bien sûr, évidemment. écrivain, notamment. Mmh. et Diane, dans le film, votre fille, jouée par Sandrine Bonner, eh bien, elle respecte votre choix. Alors, c'est bien sûr dramatique, mais aussi parfois drôle, parce que les situations dramatiques emmènent parfois la drôlerie. Moi, j'aimerais que vous nous racontiez dans. Quelle situation, quelle goutte d'eau fait déborder le vase pour Madeleine? C'est-à-dire dans une forme de fuite en avant, de déchéance. Comme ça, il y a un moment où il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase, où elle prend vraiment la décision, elle dit « je veux choisir ma fin de vie ». Qu'est-ce qui elle déclic? Ben non, c'est, elle a pris sa décision tout de suite, au début du film, c'est décidé. Elle en avait parlé 30 ans auparavant à ses enfants, d'où le livre, et... Il s'est trouvé que, quand elle leur a dit ça, les enfants, pareil, étaient jeunes, et ils ont tout de suite accepté, ils ont dit « mais oui, tu as raison, on va t'aider, etc., on sera là, à côté de toi ». 30 ans après, ça a changé la donne. C'est-à-dire... Le déclencheur, on peut le dire, c'est que vous n'arrivez plus à conduire. Et ça voilà. Vous pose un sérieux souci, parce que c'était alors, la chose qui... Je perds plein de choses que voilà. J'aime faire. D'abord, c'est une femme qui vit seule. Sa fille vient la voir très régulièrement. Elle a une personne qui vient, qui lui fait quelques petites courses. Mais en fait, de jour en jour, elle s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'elle est en train de perdre. Voilà. Et ça amène donc évidemment alors, le débat qui est très très très difficile à ouvrir en France sur l'euthanasie. Parce que c'est tabou et on ne sait pas pourquoi c'est tabou. Pourquoi ça marche dans les autres pays? Si, on sait pourquoi. Parce qu'il y a un lobby catho qui est encore un tout petit peu puissant et qui emmerde tout le monde. Voilà. Ça pose quand même une vraie question que chacun, joliment dit. Que chacun peut se poser. Parce que vous êtes, on le voit dans le film, tout va bien encore dans votre tête et dans votre corps. Alors ça va un peu moins bien, mais à 92 ans, c'est plausible. Donc, c'est normal, voilà, c'est normal. Oui, et vous voulez partir au moment où ça va bien, c'est ça oui, mais le parce vrai que, débat. Parce que c'est une fille, c'est une fille, femme qui ne veut pas partir dans la déchéance. Elle ne veut pas devenir un légume. Elle ne veut pas se retrouver un jour à l'hôpital ou même chez elle, en train de se faire des piqûres, souffrir le martyre. Donc en plus, comme elle a été sage-femme toute sa vie, elle sait de quoi elle parle. Et elle considère que c'est un droit de pouvoir choisir. Et c'est un droit. Et moi je dis que à ce moment-là, chacun est libre de prendre sa décision. Votre position à vous? Moi, je voudrais partir comme elle, debout et en bonne santé. Okay, d'accord. Donc, c'est vraiment, il y a en plus cette volonté de défendre une Sinon, course. Vous ne l'auriez pas accepté, le scénario? Oh, j'irai peut-être pas jusque-là, parce que c'est quand même un beau scénario, c'est un beau personnage, avec des gens formidables autour. Entre nous, on a un rôle à César, là. C'est plus pour le second rôle, là, ce coup-ci. Marthe Villalonga. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit chez moi. Peut-être ce film peut avoir un impact social, parce qu'on est dans ce débat-là, hein, de la fin de vie en France. Est-ce que, au moment de tourner, vous, l'actrice, Marthe Villalonga, vous êtes dit, il y a quand même un beau rôle, peut-être un impact social, une carte à jouer, là. Est-ce que ça donne de l'épaisseur à votre personnage et à votre jeu? Est-ce que ça lui donne une autre dimension? Moi, de toute façon, dès le départ, j'étais conquise par l'histoire et le personnage, bien entendu. Et je me suis dit, ça peut peut-être faire avancer des choses. On ne sait pas. Mais encore une fois, c'est pas le mot, je vais dire une obligation. Chacun choisit ce dont il a envie. Si vous prenez par exemple le film, vous avez le fils qui n'accepte pas. Il se révolte terriblement. Antoine Duléry. Voilà. Peut-être que si ça se trouve, il va mettre 6 mois pour avancer vers une solution plus agréable. Combe, il va peut-être mettre 5 ans, mais c'est lui qui va souffrir le plus. Marthe Villalonga est avec nous. La dernière leçon, c'est le film de Pascal Pouzadou, avec Marthe Villalonga bien sûr, et notamment Sandrine Bonner et Antoine Duléry. Et c'est un film qui sort en salle demain. Et tiens, pour ça, une affaire de famille. Sly and Family Stone. Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good to mom, blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. What a bear. What a bear. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there, but you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down, but you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. Family affair. Yeah, family and Family Stone, Family Affair, comme dans le film dans lequel joue Marthe Villalonga, que vous pouvez voir en salle à partir de demain, La Dernière Leçon. Et autour de Marthe Villalonga... Oui, Marthe Villalonga, je voudrais quand même dire, parce qu'on vous connaît beaucoup à la télé, mais vous avez joué avec Lautner, Cayette, Arcadie Lelouch, Téchiné et Samuel Fuller. Vous avez une grande carrière de cinéma et qu'on ne connaît pas assez. Voilà, je tenais à l'ajouter et à vous dire qu'autour de la table, il y avait Juliette Arnault, Samir Boisdi et Guillaume Meurice, mais qui sont toujours là, a été à la recherche de Bernard Tapie. Tout à fait. Attention, oh là là, c'est dans 10 minutes, un quart d'heure. Très bien. Et à cette heure-ci, attention, pendant qu'on parle, vous savez, Marthe Villalonga, le monde change. Oui, oui. Et il est déjà temps de se désinformer. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. François Hollande est en Chine pour parler, entre autres, écologie. Par exemple... Il parle chinois. Il débute. C'est nouveau, ça. Ce qu'on l'a entendu, il débute. D'accord. En tout cas, il parle écologie. Et par exemple, pour les pendaisons d'opposants, il a proposé à Xi Jinping d'utiliser des cordes recyclables. Nicolas Sarkozy a présenté son plan en matière de sécurité. Il veut libérer les forces de l'ordre des tâches secondaires. Et par tâches secondaires, il entend sans doute localiser les portables de Nicolas Sarkozy. Et il y aura de la brève, de la rapide et de la fulgurante. Et on commence ce presque journal par cette vraie visite de François Hollande en Chine. Oui, vous entendrez dans le petit extrait qu'il a parlé un tout petit peu, enfin il s'est fait traduire, mais il est là surtout pour parler de business, mais pas que, il a parlé liberté de presse aussi. Liberté de la presse ? Oui. Enfin, alors, comme l'a relevé le petit journal, il a juste fait une blague en présentant les gens qui l'accompagnaient à un haut dignitaire du Parti communiste local, qui peut-être n'a pas compris cette blague, on écoute. La ministre de l'Environnement. Monsieur le ministre des Finances. Qui joue avant la prochaine. Ce sont des journalistes. qui en France ne disent que du bien du gouvernement. C'est la ligne qu'on leur a donnée. Et ils la suivent scrupuleusement. Il est drôle quand il est loin de la France. Oui, il est drôle. D'ailleurs, ce matin, il était toujours en Chine. C'était au micro d'Europe 1. Il a fait une autre bonne blague lorsque Thomas Soto lui a fait remarquer que sa visite à Lucette était une énorme mise en scène. D'abord, cette rencontre, et j'en remercie cette dame parce qu'elle m'a accueilli, c'est une rencontre qui était hors dehors de la presse, sauf pour une toute petite partie. En dehors de la presse, sauf une toute petite partie. Alors écoutez le bruit d'une petite partie de la presse qui a eu droit à la visite. Alors si vous avez vu les images, petite partie, on va écouter quand il est rentré, la petite partie de la presse. Écoutez bien les bruits des appareils photo de la petite partie de la presse. Oula. On n'est pas tout seul ici. Vous avez fait des invitations. Ça klaxonne, hein. En dehors de la presse, et il y avait comme ça 4 photographes, 10 photographes qui étaient coincés dans le salon de Lucette. Passons à droite avec Nicolas Sarkozy qui déclare « Il n'y a plus d'autorité de l'État ». Oui, et Manuel Valls ne veut pas polémiquer là-dessus. Non, il rappelle juste que c'est l'ancien président qui a supprimé 13 000 postes au ministère de l'Intérieur et qui tous les jours remet en cause l'indépendance de la justice. Voilà. Bien, qu'est-ce que ça aurait été s'il avait voulu polémiquer? On reste à droite avec un syndicat. Oui, vous avez dit à droite et syndicat dans la même phrase. Oui, mais il y a le MEDEF, le syndicat des patrons. Ce matin, à Télématin, Pierre Gattaz parle du CDI. Mais le CDI, tel qu'il est fait, est très inquiétant, très anxiogène. C'est vrai, c'est terriblement anxiogène, le CDI. Cette idée d'avoir un travail, ça stresse les Français. Et surtout, le fait qu'ils ne savent pas quand ils seront au chômage, c'est angoissant. Alors qu'un bon CDD d'une demi-journée, eh ben, même le bénévolat d'entreprise, là oui, ça c'est rassurant. C'est rassurant. D'un syndicat à un autre, Alex. Oui, le premier syndicat des chauffeurs de VTC vient d'être créé, l'UNSA SCP VTC, et il dénonce un salariat déguisé chez Uber et une indépendance fictive des chauffeurs. Voilà. Oui, il épingle donc le leader des services de réservation par smartphone de voiture, soupçonné donc de vouloir l'Uber et l'argent d'Uber. Ça, je l'ai déjà entendu une fois, c'était Olivier Lejeune, qui a des deux. Vous me flattez. Bon, passons aux sociétés. Oui, plan contre le harcèlement à l'école, les professeurs sont en colère, ce qui, rappelons-le, est un pléonasme. Très bien. Justice, les deux pilotes d'Air Cocaïne ont passé leur première nuit en détention en attendant de passer devant le juge. Oui, alors quand des pilotes se font serrer par la justice, est-ce qu'on peut dire qu'ils ne l'ont pas volé? Charlie, les deux ânes. Oui. Olivier Lejeune. Olivier Lejeune, d'accord. Vous trouvez? Il était pas mauvais, le mec. Deux collaborateurs du pape ont été arrêtés ce week-end. Ça c'est une info qui, je sens, vous touche. Arrêtés ce week-end car il y aurait eu une nouvelle fuite de documents au Vatican. Oui, le Vatican qui nous avait plutôt habitués aux fuites urinaires. Voilà, c'est là l'école. Et on termine par de la musique. Oui, avec ce titre, Kenji Girac rêve d'être un enfoiré. Voilà, on va pas faire un troisième hommage à Olivier Lejeune, on va rester là. Allez, nous sommes toujours avec Marthe Villalonga. Elle est là. Qui est là, qui nous accompagne jusqu'à 18h. Et on va aborder avec vous le premier sujet d'actualité. L'équipe de communication de François Hollande a une nouvelle idée. Faire du président le premier homme politique français à avoir son compte sur Snapchat. Un réseau social qui pour l'instant est encore chasse gardée des adolescents. La jeunesse, ce vivier de futurs électeurs. Toi, tu es en charge du mouvement qui va m'accompagner pendant ces prochaines semaines, pour permettre à ta génération, à votre génération, de rencontrer la plus belle joie qui soit, celle du changement, t'es ok, celle de la victoire, t'es bad, celle de l'espérance, t'es in, comme en 1980, t'es okay, pour ma génération, t'es bad, le plan numérique, t'es in, c'est pas pour jouer. L'Elysée représente, wesh. François Hollande en duo avec le groupe Ottawan. Alors d'abord, non parce que c'est important, oui, hein, oui, c'est oui, d'ici oui, une semaine oui, ou deux, c'est le même monsieur qui a eu l'idée de Lucette, qui a sans doute eu l'idée de Snapchat, faut bien s'en rendre compte. C'est quoi d'abord Snapchat? Très bonne question, Marthe Villalonga. C'est une application disponible sur iTunes. C'est une application qui permet de partager des photos et de les détourner. Par exemple, je peux faire votre photo et vous mettre une langue en arc-en-ciel, comme ça. Ah oui, c'est essentiel. C'est essentiel pour l'Elysée. D'accord. Et il y a aussi des courtes vidéos. Hillary Clinton s'est inscrite au mois d'août et les candidats à la présidentielle américaine sont se sont inscrits sur Snapchat parce que ça touche les jeunes. Ils peuvent faire des petits messages. De 14 secondes. Les futures urnes. Parce que c'est un peu ça. Voilà, c'est un petit peu le message Kleenex. C'est très court et jetable. Alors, d'abord, je me demandais, Marthe Villalonga, est-ce que vous êtes un petit peu connectée? Il me semble que oui. Oui, madame. Je ne sais pas tout faire. Alors, est-ce que vous êtes sur Tinder? Tinder est un truc de rencontre, une application de rencontre. Non. Comment est-ce que vous vous connectez, Marthe Villalonga? Vous avez un email? Est-ce que vous... Facebook? Oui, non, j'ai un email, ouais. J'ai un ordi, ben voilà. J'ai un iPad. Ah ouais, quand même. Donc, on peut vous ouvrir. Et j'ai un smartphone. On peut vous ouvrir un compte Snapchat. Non, rien du tout. Laissez-moi tranquille. Mais, smartphone, iPad, quand même, il y a cette volonté de pas vouloir être dépassé par ce qui se fait et de pas dire maintenant, j'ai pas envie de savoir. Non, vous voulez comprendre. Oui, mais pas trop quand même. Hein. Pas trop. Et comment vous sentez ce qu'il faut comprendre ou pas? Parce que le smartphone, bien joué d'avoir suivi les choses. Moi, ma grand-maman, un smartphone, elle est pas très douée. C'est pas évident, effectivement. C'est pas ma génération. Mais enfin, j'apprends. Oui, et vous aimez... Tout est fait pour que ce soit simple. Oui, aussi, c'est vrai. Oui, voilà. Ça, même pour nous, moi je ne suis pas un foudre de guerre, je peux vous dire. Je me disais, Marthe Villalonga, par quel biais vous recevez les messages politiques? Vous, quand vous entendez les politiques... Les politiques, je mets à la poubelle. Ah d'accord. Oui, mais avant. Donc avant. Je reçois rien. Ah oui, avec le doigt comme ça, vous glissez vers la corbeille. Bim. Ding. Comme ça. Exactement. D'accord, très bien. Un truc qui mange, vous savez. Mais vous entendez, vous écoutez l'information, vous... Non, ça me gonfle. Moi je sens que vous dites non pour pas devoir répondre, mais bien joué de votre part. Est-ce que vous sentez que c'est une bonne idée de l'Élysée d'inscrire François Hollande sur Snapchat pour s'adresser aux adolescents? Demandez-leur. Eux, ils sont persuadés que c'est une bonne idée. C'est très bien. Moi, la politique, je vous dis, ça me gonfle. Mais là, c'est même pas la politique, c'est de l'image. Oui. Ouais, c'est pareil. Si, par exemple, si c'est de la propagande. Votre attaché de presse qui est derrière nous se dit, tiens, Marthe, on va faire un petit compte. C'est moi qui m'en occupe. Hein. On va faire un compte Snapchat. Je lui dis non. C'est clair, on va pas arrêter. Malin, ça, de mettre des photos comme ça nue de Marthe Villalonga sur les réseaux, c'est très chiant. Et voilà. Et donc, conclusion, on attend de voir ce que ça donne François Hollande sur Snapchat. Pour vous donner un aperçu de ce qui se dit chez les jeunes sur les réseaux sociaux, dites-nous. Quand ils s'échangent des petits mots sur François Hollande, il y a un exemple sur Slate qui nous donne cette information. Alors, je vous en cite un. Le changement, c'est dans 2 ans, MDR. En tout cas, je ne pense pas, avec C, que tu vas changer grand-chose, à part nous raccourcir les vacances sans S. Oui. Et un autre qui dit, il est moche, mais il respecte les religions et ne différencie personne. Et l'autre lui répond, t'es jaloux qu'il soit président ou quoi, PTDR. C'est donc une très bonne idée. Ceci dit, Hanouna écrit comme ça, avec plus de fondant. Ouais. Je ne sais pas, je pense qu'il écrit mieux quand même. Voilà, on voit que Claude Sérillon est parti de l'Élysée. Samir Boisdi, puisque vous avez le micro, montrez à Marthe Villalonga tout votre talent. Oh bah écoutez, je vais essayer devant une femme de ce talent et surtout une femme aussi populaire et qu'on aime depuis toujours et qui ne bouge pas, qui ne change pas, a priori. Enfin, bref, arrêtez de draguer, faites la chronique. J'arrête de draguer. Mais il a le droit, il est jaloux. Oui. Non, mais ce soir, Marthe Villalonga, vous n'êtes pas sans savoir qu'un match va se jouer entre le PSG et Madrid, à Madrid, et donc on va parler d'un joueur. Parce que dans le foot, il n'est pas rare de voir un joueur passer d'un camp à l'autre. Ça s'appelle un transfert, chère madame. Alors, Angel Di Maria, joueur argentin. Et c'est cher. Et c'est très cher. Plus cher qu'au Panthéon. C'est plus cher que chez les comédiens. Donc, Angel Di Maria, joueur argentin comme son nom l'indique, et donc passé récemment du Real à Paris, au PSG. C'est d'ailleurs un des transferts les plus attendus de la fin de l'été. Di Maria à Paris, c'est pas rien, je vais vous dire. Hein. Le joueur de 27 ans ayant pour lui une technique sublime et un sens du jeu rare, même s'il garde un peu trop le ballon, selon moi et selon Charline. Enfin bon, peu importe. Un coup de pied en arrière et il marque. Et il marque. Il fait des choses comme ça. Enfin, moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il est maigre. Il est maigre, comme son co-religionnaire Pastore, autre Argentin, qui nous régale aussi par sa technique et sa vision du jeu. Et moi, j'aime bien les joueurs maigres, chère Marthe. Parce que chez eux, il y a un côté, le sport, c'est aussi le cerveau. Voilà. Alors, un bon transfert, donc, un de ceux qui font de Paris une grande équipe de foot. Alors, c'est quoi, mes amis? C'est quoi un transfert? Vous posez la question, surtout Charline, qui a l'air complètement inquiète. Vous parlez d'El Flaco, El Flaco, bravo, bien joué. Voyez alors, un transfert, Charline et Marthe, selon Freud et ses suiveurs, c'est le transfert serait le déplacement de l'affect, du désir vers un autre objet que les parents pour le patient qui, à un moment précis de la psychanalyse, revisite les paysages de l'enfance sous la férule d'une autorité nouvelle. Ainsi, le thérapeute devient l'objet unique de référence en une projection que Freud lui-même a eu du mal à ne pas kiffer, lui qui n'avait pas peur de se considérer comme le père de quelque chose. Alors le transfert, c'est donc la découverte possible d'un amour neuf, d'une soumission assumée. Donc, Angel dit Maria, joueur argentin. Angel. Angel dit Maria, dont on pourrait traduire le nom. Elle est pointue aujourd'hui. Elle est très pointue. Elle a bossé, elle a bossé. Oui, elle a une bonne oreillette surtout. Bien vu. Angel dit Maria, dont on pourrait traduire le nom par ange de Marie, vient d'épouser les couleurs du PSG, PSG, club de la capitale française, qui appartient aux Qataris, chers amis. Oui. Le Qatar, cette monarchie absolue dont la religion est assurément musulmane, n'hésite donc pas à s'offrir les services de joueurs résolument cathos par leur patronyme. Le foot est ainsi fait qu'il fait abstraction des couleurs, des races et des convictions dès lors que le talent est là, mes amis. Le talent devient alors une anti-religion à part entière, ou plutôt une religion tout court, les intérêts sportifs ou financiers l'emportant sur les convictions. Ce qui me fait dire que l'avenir de l'humanité doit sans doute passer par le foot, finalement. Ah oui. Non, je déconne. Ouais, ceci dit, quand Daesh aura définitivement débarrassé l'Occident des pauvres couillons de laïcars que nous sommes, pour certains, il faudra bien qu'il monte une équipe de foot digne de ce nom. Hein. L'État islamique, comme il se nomme, devra alors sans doute se payer de gré ou de force des joueurs brillants pour asseoir sa suprématie. Hein. Des joueurs venus d'ailleurs au patronyme un peu chiant, genre Messi, par exemple. Ouais. Ah, c'est vrai que dans la religion musulmane, il faut quand même le dire, on reconnaît l'apport du Christ, hein, son boulot reconnu. On y parle aussi de l'ange Gabriel, on sait qui est Marie hein, dans la religion musulmane, c'est vrai. Donc normalement, pas de problème, sauf qu'avec eux, je parle de ces néo-croyants, tout ce qui se faisait avant doit être oublié, châtié, brûlé, écrasé, violé, noyé, égorgé. Bref. Avant eux, pas de Zidane, pas de Pelé, pas de Cruyff et pas de Messi. Dilemme pour les membres de cette organisation qui compte sans doute dans ses rangs des amoureux du foot hein, et du foot français en plus. Non, faut pas déconner, hein, quand on s'appelle Jean Mouloud Firmin ou Dorothée Rachida Mornifle, qu'on est né à Franchouillard de la Relou du côté de Dompierre la Rouchetelle, on sait qui est Guérin ou Papin, faut pas déconner. Hein. On a beau se laisser pousser la moustache pour elle et la barbe pour lui, on est d'ici. On a beau se tirer en Syrie, on n'en reste pas moins des enfants de téléfoot. Bref, on peut s'inventer tous les avenirs et tous les chaos, on est le futur antérieur organisé de son passé simple. Tout ça n'est qu'une histoire de transfert, de soumission, de Freud, de père absurde et absent, d'Oedipe foireux. Mais mes chers amis, restons optimistes, hein, si les dieux du stade peuvent changer de club, à l'image d'Angel Di Maria, gageons que les hommes changeront un jour de dieu en choisissant le club des hommes, même si à ce stade, rien n'est joué. Samir Bouadi, merci, et si vous appréciez la plume de Samir Bouadi, vous pouvez lire le Dictionnaire des cons et autres génies, qui paraît demain aux éditions Pygmalion avec votre... Co-écrit avec Agathe Colombier-Augevert. Votre complice. Le livre qui sort demain, comme le film de Marthe Villalonga, pouvez voir en salle dès demain, La dernière leçon avec Marthe Villalonga, Antoine Duléry, Sandrine Bonner. Il est 17h34 sur France Inter. 17h34 à Paris, à Villedieu-les-Poêles et à Gland en Suisse et au Vésinet, bien sûr. Oui. Et là, pourtant, par la magie de la musique, minuit, chant de caféine. Le soleil dort encore loin de la lune. Le travail chasse le spleen. Une fusion translucide, nuit blanche, caféine, éveillée jusqu'à l'aurore. Jusqu'à l'aurore. montez dans le bon train. Radio France vous remercie de voyager avec elle sur France Inter. Et avec Juliette Arnault, Samir Wadi, Guillaume Meurice, Alex Vizorek et notre invité, Marthe Villalonga. Tout va qui bien, Marthe? Très bien. Sur la musique. On se poile. Hein. Non, elle a même fait le solo de guitare à la bouche. Elle a bruité le solo de guitare à la bouche. Mais Marthe, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais alors, c'est pas possible. Ah, bah, je participe ou non? Mais bien sûr, mais carrément. Mais carrément. Vous avez participé aussi en réagissant sans doute à l'investigation de Guillaume Meurice qui. Comment dire? Il s'est pas encore dévoilé. C'est un facétieux. C'est un facétieux et ça s'appelle le moment Meurice, tous les jours à cette heure-ci sur France Inter. Oui, et moi je suis allé faire un tour du côté de Marseille, figurez-vous. Ah. Et je me suis d'abord dit, tiens, si j'allais faire un reportage sur les règlements de compte dans les quartiers nord. Et puis après je me suis dit, tiens, si je choisissais plutôt de rester en vie. Hein, ce qui est quand même pour, plutôt sympa. Je suis donc allé plutôt du côté du Vieux-Port, là où habite Jean-Claude Godin. Hein. Des fois la vie est quand même vachement bien foutue. Mais moi je voulais parler avec les habitants d'une autre figure locale, Bernard Tapie, l'homme d'affaires, comédien, politique, président de club de foot, animateur de soirée à la prison de la santé, l'homme multicasquette, multicasserole, mais qui reste adoré à Marseille. Et c'est aussi ça ma mission, réhabiliter l'honneur d'un homme trop souvent piétiné par les médias parisianistes. Commençons avec un vieil habitant qui pourtant n'aime pas trop Marseille parce qu'il trouve qu'il y a beaucoup de quoi. Beaucoup de crapules, voilà. Vous l'aimez bien, vous, Bernard Tapie? Oui, il m'avait donné 4 coupes de champagne à l'époque. Là. Mais vous aviez dit qu'il y avait trop de crapules à Marseille, mais Bernard Tapie, c'est pas une crapule? Il est gentil. C'est vrai, il est gentil? Oui, très gentil. Et ben bah voilà, il est gentil. Il offre des coupes de champagne aux petits vieux. Et excusez-moi, mais c'est pas l'abbé Pierre qu'on aurait fait autant. Vous avez déjà été à une fête Emmaüs, hein? Y a que des fausses marques, là. C'est pas des gâteaux Pépito, c'est des Poupito. C'est pas du Pulco Citron, c'est du Pluco Citron. C'est-à-dire encore plus dégueulasse que les marques originales, ce qui représente, c'est vrai, un bel exploit. Et bah pareil que Tapie et Balkany, par exemple. Tapie, c'est le vrai, l'original. Et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça que Tapie, on le voit comment à Marseille? On le voit comme un messie, quoi, un sauveur. Comme un messie? Oui, certainement. Ah, mais pourquoi alors? C'est un homme honnête. C'est vrai, il est honnête, donc. Franchement, il est honnête. Mais franchement, il est honnête. Alors que bon, je suis pas certain que l'abbé Pierre n'ait jamais piqué en douce un Poupito et un verre de Pluco Citron. On devrait vérifier. Alors, bon, oui, c'est vrai, Bernard, il a quelques soucis avec la justice. Bon, là, il réclame 1 milliard d'euros au Crédit Lyonnais et au final, c'est le contribuable qui devra payer. Mais bon, c'est pas le premier. Selon cet autre monsieur, à ce niveau-là, c'est tous quoi? C'est tous des escrocs, alors. Alors pourquoi pas un de plus, hein? Voilà, vous allez un peu payer pour Bernard Tapie. Eh ben, je payerai. Ah, c'est vrai, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Eh ben voilà, s'il faut payer, il payera, le gars. Est-ce qu'il y a un numéro de compte qu'on peut verser? Je ne sais pas, qu'on gagne du temps. Bah ouais. Alors peut-être, on pourrait même organiser un truc pour que ce soit que les Marseillais qui payent, vu qu'il y a que qui l'aiment encore. Je crois que ça leur ferait plaisir. Parce que Tapie, c'est un dieu à Marseille, hein. Ça qu'il faut bien comprendre, parce que la religion à Marseille, c'est le football. Et ça non plus, vous pouvez pas comprendre. Même Boisdi, là, notre spécialiste foot, il peut pas comprendre. Non, vous êtes né à Nancy, Boisdi. Par les bergamotes, mais pas football. Platini, Nancy. Respectez-vous, Boisdi, s'il vous plaît. Bon. Et écoutez donc pourquoi on l'aime, Tapie, à l'OM. Parce qu'il s'imposait, il osait la voix. Est-ce qu'il achetait pas quelques matchs quand même? Après, ça, c'est, vous savez, mais ça reste le football. Et le football, c'est comme ça. Ça marche comme ça, c'est un business et c'est pas autre chose. Voilà. Le football, il faut acheter des matchs? Pas exactement acheter, mais. Mais peut-être arranger des matchs. Voilà, aussi. Arranger des matchs. Ça veut... Oui, mais c'est du patois marseillais. Ça veut dire gagner des matchs. Vous pouvez pas comprendre, je vous dis. Bon, ne faites pas vos Parisiens. À Marseille, on n'aime pas ça, hein, les Parisiens. Bon, alors le problème, c'est que Bernard Tapie, il est quand même un peu parisien, quoi, hein, n'est-ce pas, madame? Mais non, il est pas parisien. Il est né dans le 20e. C'est vrai? Mais oui. Non. Mais complètement, oui. Bah, de toute façon, si les Parisiens. Il fait. Non. Il n'est pas parisien, Bernard Tapie. Si, si. Non, mais il est parisien, Bernard Tapie. Oui. Bernard Tapie, il est complètement parisien, ça c'est sûr. Au risque de décevoir cette dame hein, qui, du coup, l'aimait plus tellement, Bernard Tapie. Tout comme ce Marseillais pur souche qui, lui, n'aimait déjà pas trop Tapie à la base. Pourquoi? Mais par rapport à ses antécédents, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a eu. La prison, vous voulez dire? Ben, ce qu'il a fait, quoi. Tout ce qu'il y a eu, ses arriérés. Mais alors, par exemple? Non, arrêtez-moi le micro. Bon, j'arrête le micro. Il en savait trop. Voilà, c'est pas le moment de trop déconner avec ça. J'aime beaucoup la plongée sous-marine, mais à Marseille, il la pratique avec les mains liées et les pieds coulés dans le béton. Et ça, j'avoue, je maîtrise moins. N'empêche qu'il y a des mecs qui sont au fond du Vieux-Port et qui sont en passe de battre le record du monde d'apnée, si, évidemment, ils remontent. Là, on pourra vraiment dire qu'ils ont réussi leur vie. Et comme le dirait le chanteur Bernard Tapie. Bien sûr. Réussis ma vie. Qui sait tout faire? C'est chez moi là, Marc. Villa Longa. Je sens que ça vous émeut. Oh, pas du tout. Alors là, une belle chanson comme ça. Le reportage de Guillaume Meurice à Marseille, donc. Merci Guillaume. Mais je vous en prie, à votre service. Marthe Villalonga va aborder le deuxième sujet. Comme vous raffolez de politique, ça tombe super bien. J'espère que vous aimez aussi le showbiz, parce qu'on va parler de Jean-Pierre Foucault, qui a décidé de peser de tout son poids sur la politique de sa région. Jean-Pierre soutient officiellement Christian Estrosi. Et apporter son soutien, c'est beau. C'est émouvant. C'est émouvant, ce duo formé par Christian et Jean-Pierre. Ça fait Christian Jean-Pierre, c'est magnifique. À mon copain. Voilà qu'il y a meilleur au monde. Oui, là, mon copain. Ça leur va bien. Allez-y, Marc. Non, non. Ni la politique, ni la chanson. Non, dis la langue. Hop, là-dessus, on l'aura pas. Henri Gara, avoir un bon copain. Ça fait du bien d'entendre ça, non? Oui. Moi je trouve ça sympathique. Est-ce que vous le trouvez bel homme, Christian Estrosi? Tiens, parce que moi j'ai remarqué que quand il joue quand même pas mal là-dessus, Christian Estrosi, en région PACA. Oui, et sur la coloration aussi. Et sur la moto. La moto, la coloration. Moto, ouais. Et alors je vous rappelle qu'il est contre le mariage pour tous quand même. Hein. C'est quand même le mec, dès qu'il y a un rayon de soleil, il se fout en slip de bain. Il a une coloration, il fait de la moto, mais tout va bien. C'est vrai qu'on peut plus le voir en teinture. Excusez-moi. Est-ce que vous le trouvez bien? Parce qu'il joue là-dessus et dès qu'il y a du soleil à Nice, bim, il se met en maillot de bain. Et bien parce qu'il aime aller dans l'eau. Mais bien sûr, c'est ça. Bah, évidemment. Mais il y a alors... souvent des photographes et des caméras devant, c'est bizarre. Oui, c'est... oui c'est mais étrange, ça arrive. Hein. Ouais, ça arrive. Mais oui, il a un petit peu de coin de rue et puis hop, vous avez un photographe. Quand vous vous mettez en maillot de bain l'été sur les plages, vous avez ce problème aussi. Non, parce que moi je me cache. Je me mets derrière les rochers comme ça on ne voit pas. Est-ce que c'est courageux de la part de Jean-Pierre Foucault d'affirmer qu'il soutient un politique? Est-ce que c'est pas dangereux quand on est populaire? Moi, j'appelle pas ça du courage. Il a son opinion, il veut le soutenir, pourquoi pas? C'est peut-être aussi une fin de carrière. C'est son problème, hein. Hein, c'est peut-être une bon, il est au-dessus de tout ça, peut-être. Oui, mais surtout, je pense que c'est gagné maintenant. La retraite, c'est pour bientôt, donc il doit dire ce qu'il pense maintenant. Peut-être qu'il y a un petit permis de construire qui traîne. Et puis, on n'a jamais pensé qu'il était au NPA non plus. On n'est pas hyper surpris, non. Est-ce qu'on vous a déjà demandé ce genre de choses, vous fait comprendre qu'éventuellement, si vous pouviez... Oui, mais je dis non. Oui. Voilà. Vous êtes démarché par les politiques Pas vraiment, une fois ou deux. Ah ouais, parce que vous êtes tellement populaire que ça pense que ça peut rejaillir sur eux. Moi, ça m'intéresse pas. Qui alors? Qui vous a proposé? Si on a bien compris que ça vous... Je vous le dirai pas. Ah, c'est dommage. Ça ne vous regarde pas. Mais ça vous intéresse pas parce que vous n'avez pas envie de le dire et ça, je comprends. Ou est-ce que vous vous dites, mais en fait, qui va voter pour un tel ou un tel parce que moi, Marc Villalonga, je le soutiens? Non, ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Mais est-ce que vous votez quand même? Bien sûr. Ah voilà, ça vous intéresse quand même un peu? Bah, à titre personnel. Voilà. Je suis quand même une citoyenne française, non? Ah non, mais à vous entendre, on a l'impression que ça ne vous intéresse pas du tout. Même s'ils font des conneries, il faut... Hein, oui, oui, c'est-à-dire que vous utilisez votre... Vous faites votre devoir de citoyenne. Je fais mon devoir, en allant c'est voter. Tout. D'ailleurs, faites comme Marthe Villalonga, allez voter au régional. Oui, vous dites. Je ne fais pas en tant que comment dire... Que personnalité. Voilà. Je ne me considère pas comme une personnalité. Je vais aux urnes, je vote, je vote pour qui je veux et point final. Voilà. Bon, après, la région PACA, c'est un souci différent. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'extrême droite qui est très très forte par rapport à d'autres régions. C'est une des motivations de Jean-Pierre Foucault. Hein. C'est un article à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France qui explique... L'extrême droite, ça veut dire qu'il y a des gens encore plus à droite que Estrosi. Il faut expliquer parce que c'est pas évident. Voilà, l'article qui explique que ça ne rapporte finalement pas grand-chose à un homme politique d'avoir des soutiens people et qu'il n'y a que des coups à prendre parce que ça divise la France en deux et sans doute Jean-Pierre Foucault va se mettre. Rappelez-vous Faudel. Julien Sarkozy, évidemment. Ah, Juliette Arnault, oui. Si on prenait un petit peu de hauteur. Peu de hauteur avec un bouquin qui s'appelle Portrait d'idole, qui est écrit par Frédéric Martinez. Alors au départ, qu'est-ce que c'est une idole? C'est la représentation matérielle d'une divinité qui fait l'objet d'un culte autant que la divinité elle-même. Et ça, les religions monothéistes, elles ne sont pas d'accord. Pas d'adoration dite des idoles, pas de faux dieux. On a le monopole, l'idolâtrie, c'est péché. Merci, bisous et 50 qui font 100. Et puis, le cinéma arrive et bim! Le temps des idoles est revenu. Et dans ce livre, Frédéric Martinez nous raconte 6 de ses idoles. 6 femmes sublimes, forcément sublimes. Je vais faire un petit peu Maduras. 6 actrices de la même génération. Elles sont toutes nées entre 1915 et 1929. Ava Gardner, Ingrid Bergman, Rita Hayworth, Audrey Hepburn, Grace Kelly et Marilyn Monroe. Alors elles ont toutes eu leur chef-d'œuvre impérissable. On a toutes à jamais dans l'œil des monuments d'elles toutes. Rita et Gilda, quand elle enlève ses gants. Exactement. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Ava, en maillot de bain noir, sur un yacht, dans la comtesse aux pieds nus. Grace, la plus magnétique des blondes d'Hitchcock. Audrey sera pour toujours oligolightly en train de manger un croissant devant la devanture de Tiffany sur la 5e avenue à New York. Et en train de jouer de la mandoline. Ingrid Bergman sera toujours Jeanne d'Arc et Marilyn, bon bah Marilyn, c'est Marilyn. Mon cœur est un papa. You know, la propriétaire. Et ce qui est frappant à la lecture donc de ces portraits d'idoles, c'est que hors leur âge sensiblement commun, elles ont toutes assez vite pigé qu'Hollywood est un vampire. Un vampire qu'elles ont détesté de toute leur âme, sans toujours savoir s'en défendre. Ava, Rita et Marilyn l'ont fui dans l'alcool ou les médicaments. Ingrid et Grace en fuyant en Europe. Et Audrey Hepburn en s'occupant des enfants du monde. Le truc, c'est que toutes ces femmes, elles n'étaient pas en vrai l'image reflétée sur les grands écrans du monde entier. On connaît tous la saillie hyper célèbre de Marilyn disant « Il couche avec Marilyn Monroe et il se réveille avec Norma Jean. » Eh bien, Rita disait sensiblement la même chose. Mais écoutons plutôt ce que dit Grace Kelly, donc juste après sa période hollywoodienne. Elle dit « D'Hollywood, j'y ai vu beaucoup de gens malheureux, d'alcooliques et de dépressions nerveuses. En outre, je n'aime pas ce soleil qui brille éternellement à Los Angeles et je n'aimais pas dépendre d'une voiture pour aller d'un endroit à l'autre, tant les distances sont énormes. » Orson Welles, quand il parle de sa femme, de celle qui fut sa femme, Rita Hayworth, il disait d'elle, elle se retrouvait propulsée dans une situation qu'elle n'avait pas souhaitée et qui ne lui procurait aucune joie. Elle haïssait son personnage de star, il ne lui donnait pas un seul moment de plaisir, il ne lui donnait rien, rien. Elle n'aimait pas être Rita Hayworth, elle n'y croyait pas, il y avait en elle ce pessimisme gitan, elle considérait tout ça uniquement comme un travail, elle est tout simplement une femme qui allait à son boulot comme elle l'avait toujours fait depuis l'âge de 12 ans. Je lui disais, puisque tu es une star, tire-en un peu de plaisir, mais elle me répondait, tout ça est absurde. Le lendemain du jour où j'aurais fait un flop, je ne serais de nouveau plus personne. Enfin, Audrey dit, aujourd'hui, tant de choses s'offrent à nous. Elle parle mal français. Ouais. Elle était moins bonne en français. Tant de choses s'offrent à nous, plus il y en a, moins j'en veux. Plus l'homme va dans la lune, plus je désire simplement rester assise à contempler un arbre. Plus je vis en ville, plus je recherche le moindre brin d'herbe. J'aime autant vous dire qu'à Los Angeles, il y a plus de nœuds autoroutiers que de brins d'herbe. Alors en cette époque de fête des morts, 6 portraits, non exhaustifs, hein, l'exercice n'est absolument pas biographique. L'auteur n'est que bienveillant, sympathie, poésie, douceur, passant d'un détail cru à une envolée amoureuse. C'est mieux qu'une biographie, c'est un acte de dévotion, ça te fait comme poser un bouquet de roses rouges sur leur tombe. C'est se souvenir qu'on les aime et c'est comme ça qu'insensiblement on passe de la fête des morts à la Saint-Valentin. Moi, mon amoureuse, Marthe, c'est Ava Gardner. C'est la plus zinzin de toutes. Hein. C'est la plus princesse gitane, glam, punk, trash, la fêtarde, la noceuse. Clin d'œil, Alex. Tout ça dans le corps du plus bel animal du monde, dixit les publicitaires d'Hollywood. Tellement drôle, Ava aussi. Par exemple, les journalistes lui demandent « Combien vous avez eu de mari, Ava ?» Et elle répondait « Je sais pas, en comptant les miens. » Ou encore, en 1952, elle est à un concert de Sinatra, auquel elle est mariée à l'époque. La carrière de Sinatra va très très mal, il a des gros problèmes de voix. Les journalistes, évidemment, lui tombent dessus tous en même temps. Et quelqu'un interpelle Ava juste avant que Frank se mette à chanter et lui dit « Hé Ava, la carrière de Sinatra est finie, il ne peut plus chanter. Qu'est-ce que vous lui trouvez à ce type ? C'est qu'un petit has-been de 59 kilos. » Et là, Ava, fidèle à elle-même, posément, répond « Bah, disons que les 9 kilos, c'est sa queue. » Ah, c'est classe. Vous allez me dire que c'est vulgaire. Je savais, vous alliez me dire que c'est vulgaire. Mais moi, c'est la question que je trouve vulgaire. Et c'est la réponse d'Ava. Au contraire, à mon avis, c'est la classe internationale. Et puis, c'est ainsi, les idoles. Elles n'ont jamais voulu être des anges ou des saintes. Alors, bisous les filles. Reposez-vous bien, on pense à vous. Vous ratez les références. Oui, alors, édition Perrin, Frédéric Martinez, portrait d'idole. Merci Juliette Arnault pour cette plongée dans ce cinéma. On va vous le filer, celui-là. Je sens qu'il très joli. Allez, on voit le troisième sujet qui a trait avec vous, Marjorie Longa. Oui. Mickey Sébastien. Elle a joué dans de nombreuses années, par exemple dans Avocat et Associés. Son nouveau projet vient de capoter parce que la production lui a expliqué « Tu es trop vieille », comme dans la série 10%. Et ben alors moi, je suis foutue. Hein. Ce que dénonce la série de France 2, d'ailleurs, dans 10%. Donc la chaîne le pratique en somme. Mickey Sébastien témoigne dans Libération aujourd'hui. Et on va avoir 40 ans. Quand? Un jour. Dans 8 ans. Mais on y est déjà. Ils sont là. Je suis au pied du mur dans le cul-de-sac. Bon, pour les hommes, c'est pas pareil. Charlie Chaplin a été père pour la dernière fois à 73 ans. Oui, mais il ne pouvait plus porter son môme. Quand Harry rencontre Sally. Voilà, c'est le portrait en dernière page de Libération aujourd'hui de Mickey Sébastien qui explique qu'elle a été brutalement évincée d'un projet qui était déjà bien abouti sur la chaîne de service public. Elle explique, parce qu'on lui a dit, son interlocuteur, tu es trop vieille, voilà. Et elle dénonce la profession qui crève de ce règne de l'arbitraire et de ces évictions brutales que dès qu'on a 40 ans, c'est beaucoup plus difficile. C'est une problématique que vous avez connue, vous, Marc Villalonga, ou pas du tout, justement? Non, j'ai eu cette chance. Mmh. J'avais des personnages qui demandaient au contraire à être ou plus vieux ou quoi, mais pas. C'est pas le côté, par exemple, de jeune première et tout ça. J'ai jamais été. Donc automatiquement, je suis passée à côté. Merci mon Dieu. Eh oui, ça a été votre chance. Et d'ailleurs, dans Un éléphant, ça trompe énormément. Vous jouez la maman de Guy Bedos et vous avez 2-3 ans plus que deux lui. Ans. Ah oui. C'est génial. C'est formidable. Être intemporel. Juliette Arnaud, ça c'est un souci pour les comédiennes, toutes les comédiennes. Ah, oui, mais c'est première. Ça. Moi qui suis jeune première. Non, mais c'est ça. Le cinéma est un vampire. Il n'aime que la chair fraîche. Mais c'est connu. Mais c'est pour ça que les jeunes comédiennes devraient lire Portrait d'idole. Voilà, mais avant de se lancer. Oui, mais enfin, il faut quand même des vieilles personnes. Enfin, quand je dis vieilles personnes. Non, mais bien sûr. Des gens de 45, 50 ans. Mais il faut de tout, bien si sûr. Si vous avez une petite jeune qui a 18 ans, sa mère, elle en a combien? En juge d'instruction, elle n'est pas crédible. Hein, c'est ça. Non, mais en plus, à Hollywood, je crois qu'il y a une actrice qui a beuglé en disant que elle, maintenant, pour être avec un acteur à l'image qui a 50 ans, il fallait ne pas avoir plus de 30. Oui, mais voilà, c'est ridicule. C'est quand même inquiétant. Et voilà, et ça fait monter la courbe du Botox. Vous avez une proposition indécente à faire à Marthe Villalonga. À toutes les fins d'émission, on propose à l'invité de participer à un sketch. Est-ce que vous acceptez? C'est pas politique. Hein, c'est pas politique. Enfin, un petit peu, mais c'est moi qui ai écrit le rôle, donc c'est moi qui ai les responsabilités. C'est de votre faute. Oui, ce sera de ma faute. Je vous ai donné le rôle de cette fameuse Lucette. Parce que François Hollande y a été, Gaspard Ganzer avait tout organisé. Est-ce qu'on ne sait pas? Son communicant. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y avait une répétition. Eh bien, nous y étions, Guillaume Meurice et François Hollande. Je suis Gaspard Ganzer. Et vous êtes cette fameuse Lucette. Lucette, voilà Lucette. Alors, est-ce que vous avez passé une belle journée, une belle après-midi, Lucienne? Moi, c'est Lucette. Oui. Monsieur Hollande, c'est écrit sur la fiche qu'on vous avait préparée. Ah oui, pardon, je reprends. Lucette, alors c'est joli comme prénom, ça date du Moyen-Âge. On a perdu je ne sais pas, monsieur le président. En fait, je ne m'appelle pas Lucette. C'est le service de communication de l'Élysée qui a trouvé ce prénom. Oh, mais dis donc, Gaspard, c'est un peu exagéré, ça peut oui, être. Oui, mais c'est-à-dire que... Mais que comment vous vous appelez? Kimberly. Oui, mais c'était pas exagéré, oui. Lucette, ça vous va bien aussi. Alors, je vous sers quoi? Enfin, vous me proposez quoi, Lucette? Une petite prune? J'ai l'impression que vous allez en coller une. Le président va boire un café, madame. Oui, non, mais moi j'aime bien la prune de Lucienne. Non, Lucette, c'est Lucette. Oui, c'est écrit sur votre fiche et il y a écrit à côté, il prend un café, monsieur le président. Oui, parfait. Bon, comment ça marche, cette machine? Où on met les capsules? Ah, hein, c'est pas votre machine? Il y a la page derrière, Marthe. C'est en deux pages, évidemment. On comprend montage. Lucienne, ouais. C'est pas votre machine? Non, on me l'a apporté hier. C'est une Nespresso. D'ailleurs, quand on m'a apporté une Nespresso, je me suis dit, c'est Georges Clooney qui m'a donné. Oui, alors pas trop, désolé. Dites, Lucette, c'est plutôt mignon chez vous. Oui, c'est pas mal, mais je préférais avant. À quel avant? Non, mais laissez tomber. En fait, avant-hier, on m'a fait venir Valérie D'Amido, et elle a tout refait. Ah, oui, effectivement, c'est normal que ce soit moins joli. Chez moi aussi, on a tout refait à ma place. Valérie D'Amido? Non, une autre Valérie, Trier-Belleur. Sinon, vous aviez des questions à me poser? Oui, attendez, je sors mon papier. D'accord. Êtes-vous content d'être un président exemplaire? pensiez-vous tenir aussi bien vos engagements? Ça fait quoi d'être favori pour 2017? Ah bah, félicitations. Merci, mais j'ai juste lu. Non, félicitations Gaspard, j'aime beaucoup ces rencontres improvisées. Allez, c'est pas sur ma fiche, mais laissez-moi vous embrasser, Lucienne. Lucette. Marc Villalonga, vous étiez formidable. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Je peux mettre sur mon CV que j'ai joué avec Marc Villalonga. Évidemment. Sur un texte d'Alexis Zarek. Et on peut voir demain en salle, on peut vous voir Marc Villalonga dans La Dernière Leçon de Pascal Pouzadou avec Sandrine Bonner notamment. Merci beaucoup. Marc Villalonga, sera un plaisir de vous retrouver au cinéma. Donc demain, merci à tous d'être restés avec nous. On va laisser le mot de la fin à la réaction de Cécile Duflo quand elle a appris que François Hollande allait ouvrir un compte Snapchat. Oh, impossible, bolos. Hashtag vive la retraite, hashtag t'as pas vu mon dentier.